quoi faire de moi. J'ai beau tendre les bras, elle voulait pas finir comme moi. Des éléphants. J'ai rencontré une diva qui voulait dérouter ma voix. J'ai beau forcer le pas, elle voulait pas finir là-bas. Les œuvres de Frank Zappa. J'ai rencontré une diva qui voulait changer mon karma. J'ai beau lire du Kafka, elle voulait pas partager ça. D'Amargosa. J'ai rencontré une diva qui voulait filtrer mon aura. J'ai beau changer de ganja, elle voulait pas consommer ça. Je veux rencontrer une diva qui me prendra telle que tu me vois, qui ne changera rien de moi, qui voudra juste vivre avec moi ensemble. Guitare sous